D'abord, Sylvinet eut comme un contentement d'égoïste en apprenant le départ de la fadette. Il se flatta que dorénavant, son Besson n'aimerait que lui et ne le quitterait plus pour personne. Mais il n'en fut point ainsi, car Landry partageait son temps entre Cadet Caillot et le petit Jeannet, et il était plutôt fier que honteux de montrer son amitié pour le frère de Fanchon Fadet. Et Sylvinet est d'autant plus malheureux qu'il voit sa sœur Nanette se rapprocher de Cadet Caillot, pour le plus grand plaisir des deux familles. Il prétendait n'être aimé de personne, lui qu'on avait toujours choyé et gâté plus que tous les autres de la famille. Il souhaitait la mort, disant qu'il n'était bon à rien. On consulta les médecins à nouveau. Ils ne conseillèrent pas grand-chose. On consulta aussi la baigneuse de Clavière, c'est-à-dire la femme du père Baigneux, la femme la plus savante du canton. Il n'y aurait qu'une chose pour sauver votre enfant, c'est qu'il aimait les femmes. Et justement, il ne peut les souffrir, dit la mère Barbeau. Eh bien, dit la baigneuse, qui avait un grand jugement sur toutes les maladies du corps et de l'esprit, votre fils Sylvinet, le jour où il aimera une femme, l'aimera encore plus follement qu'il aime son frère. L'avis de la baigneuse parut fort sage au père Barbeau, et il essaya d'envoyer Sylvinet dans les maisons où il y avait de belles et bonnes filles à marier. Mais, quoique Sylvinet fût joli garçon et bien élevé, son air indifférent et triste ne réjouissait point le cœur des filles. Le père Caillot, qui était le grand ami et un des meilleurs conseils de la famille, ouvrit alors un autre avis. « Je vous ai toujours dit, fit-il, que l'absence était le meilleur remède. Voyez Landry, il n'a perdu ni la raison ni la santé. À présent, il paraît tout à fait raisonnable et soumis. Il en serait de même de Sylvinet si, pendant 5 ou 6 mois, il ne voyait point du tout son frère. » Et le père Caillot propose d'envoyer Landry comme ouvrier dans une de ses propriétés du côté d'Arton. Le père Barbeau inclinait à suivre ce conseil, mais la mère Barbeau s'en effraya. Elle craignait que ce ne fût pour Sylvinet le coup de la mort. Il fallut transiger avec elle. Alors, on pensa à mettre à exécution l'idée du père Caillot, et encore que Landry n'eut guère envie d'aller parmi des étrangers, lui qui mettant son endroit, son ouvrage, sa famille et ses maîtres, il se soumit à tout ce qu'on lui conseilla de faire dans l'intérêt de son frère.